Bonjour très chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui sur Radio Gémozo pour l'instant santé et bien-être avec les secrets de Mathilde. Aujourd'hui, nous allons parler féminité et énergie vitale. Le corps humain est maintenu en vie par un flux énergétique appelé énergie vitale. Cette énergie entretient le corps en parfait état de santé, condition normale de l'être humain. Dans cet état de santé, nous ressentons le bien-être et la joie de vivre. Chacun de nous dispose d'un potentiel d'énergie vitale individuelle, variable selon ses acquis depuis la naissance. Elle augmente ou diminue en fonction de notre mode de vie sur le plan physique et émotionnel. Le manque d'énergie vitale entraîne des défaillances dans le fonctionnement du corps. Comment retrouver votre énergie vitale grâce à l'œuf yoni? Mais qu'est-ce que l'œuf yoni? En sanskrit, qui est la langue indienne, yoni signifie organe génital féminin. Il est également le symbole de l'énergie féminine dénommée Shakti. L'œuf de yoni est un œuf en pierre. Il en existe de différentes tailles et de différentes pierres. Cet œuf est à placer dans votre vagin. Oui, dans votre vagin, vous avez bien entendu. L'utilisation de l'œuf yoni a commencé comme une pratique secrète qui a évolué dans l'ancienne Chine. L'utilisation de l'œuf était enseignée uniquement dans le palais royal, aux reines et aux concubines. Certains pensent qu'il était, à l'origine, enseigné comme une pratique pour plaire au roi tout en faisant l'amour. Toutefois, les bénéfices de la pratique sont bien plus étendus. L'œuf est destiné à toutes les femmes qui ont envie de retrouver leur féminité, leur vitalité et leur puissance féminine. Les personnes qui utilisent régulièrement l'œuf ont pu constater une augmentation de la vitalité, de l'énergie sexuelle et l'amélioration de la santé physique et spirituelle. Cette pratique permet d'équilibrer et d'augmenter ce que l'on appelle en médecine taoïste l'énergie vitale ou encore le chi. Cette énergie vitale est connue dans de nombreuses cultures. Par exemple, on l'appelle prana en Ayurveda, la médecine indienne. En Occident, lentement mais sûrement, nous commençons à reconnaître cette énergie, énergie que les taoïstes connaissent depuis des milliers d'années. La médecine occidentale a commencé à reconnaître et à confirmer les avantages de la bonne circulation de cette énergie vitale dans le corps. Régulation des hormones, activation des nerfs et du flux sanguin, ainsi que la stimulation du système immunitaire pour rester en bonne santé, quel que soit notre âge et les saisons. Une chose est sûre, vous n'avez pas besoin de devenir un maître taoïste pour bénéficier des avantages et de la pratique de ce petit œuf magique. L'œuf est le premier stade de la vie, le départ du monde, il ressemble à un ovule. Il symbolise ainsi la fécondité, la vie, la renaissance et la protection. En ce qui concerne l'utilisation, avant d'insérer l'œuf en vous, je vous conseille de prendre votre temps. Vous pouvez le mettre sous votre oreiller plusieurs nuits ou encore méditer en le posant sur votre ventre. Ensuite, vous pouvez le poser sur votre vulve sans l'insérer et écouter ce qu'il se passe. Et lorsqu'enfin vous décidez de l'insérer, soyez détendu, zen et surtout disponible. C'est une rencontre avec vous-même, votre féminité et votre histoire. Que vous l'utilisiez pour un bien-être physiologique, une rééducation musculaire, pour un nettoyage énergétique des mémoires, l'œuf agit. Il arrive que des femmes réagissent puissamment à l'utilisation de l'œuf. Par exemple, une envie de pleurer, une colère qui remonte. Dans tous les cas, soyez à l'écoute de vos ressentis et surtout lâchez prise. Accueillez vos émotions sans les juger. Et ne vous en faites pas, si l'œuf ne se sent pas à sa place, il partira de lui-même. Tant que la femme ne croira pas en elle, se mésestimera, se détournera de sa source intérieure, la terre et l'humanité seront malades, vivront le chaos et le déséquilibre. L'éveil du féminin sacré est pour moi primordial. J'ai comme projet en début d'année de proposer des cercles de femmes et des ateliers axés sur la féminité. Si cela vous intéresse, que vous avez des questions, n'hésitez pas à venir suivre toutes les actualités sur ma page Facebook « Les secrets de Mathilde ». Je vous laisse avec une invitation à une conférence demain à 20h30 sur la permaculture avec Thomas Defranou, hygiéniste et permaculteur. Ça se passera à la Maison des Champs au Val d'Ajol, 35 rue des Mousses. Venez nombreux. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve vendredi prochain à 8h et à 13h30. Prenez soin de vous.